L'amant de la marquise par Alexandre de Puymaigre. Le château de Verté, situé sur les bords de la Saône, à quelque distance de Villefranche, devait ce nom de château, sous lequel on le désignait dans les environs, beaucoup moins à son caractère seigneurial qu'à une tradition de respect pour ceux qui l'habitaient. Des girouettes armoriées, un colombier, étaient les seuls insignes féodaux que ce manoir eut à montrer. Mais comme le dit l'ancien proverbe, tant vaut l'homme, tant vaut sa terre, et c'était les Raoult de Verté qui, bon gré mal gré, faisaient de leur demeure un château. En 1791, cette ancienne famille avait pour représentant un beau et brave jeune homme universellement aimé et estimé dans le Beaujolais, le marquis Henri Raoult de Verté, lieutenant au régiment de Rouergue. On pouvait espérer que Henri ne serait pas le dernier de sa bonne race, car il venait d'épouser une charmante personne, Mademoiselle Charlotte de Mély. Profitant de quelques mois de congé, il passait avec elle sa lune de miel dans l'habitation dont j'ai déjà dit quelques mots. Habitation fort simple, où l'on paraissait avoir plus cherché l'utilité que l'élégance, et qui devait son plus grand charme à la proximité de la Saône. On dominait le cours de la belle et paisible rivière, d'une terrasse attenante au château, plantée d'épaisses charmilles, divisée en compartiments de fleurs et de sable, et qui rappelait les parterres de la maison rustique publiée en 1776. Les premiers mois de l'union de M. de Verté, quoique bien doux, l'auraient été plus encore si, de temps en temps, les petits carrés de papier gris mâchurés de lignes mal imprimées, qui étaient les journaux de l'époque, n'eussent apporté au marquis les plus inquiétantes nouvelles. La révolution marchait avec une effrayante vitesse. Mirabeau était mort au moment où il se ralliait à la cause du roi. Louis XVI avait été arrêté à Varennes. L'Assemblée législative enlevait au trône les derniers vestiges de son autorité. L'émigration avait commencé. Les plus sombres appréhensions n'étaient que trop légitimes. Un matin, Henri se promenait sur la terrasse, au-dessous de laquelle coulait la Saône. Il marchait la tête baissée de ce pas lent qui indique la préoccupation. Après avoir réfléchi aux troubles qui agitaient la France, sa pensée s'était tout naturellement portée sur sa femme, sur lui-même, sur leur amour, sur l'avenir qui menaçait sans doute cette vie calme et sereine créée pour lui par une heureuse union. Un pas léger, le frôlement d'un vêtement de soie, tirèrent Henri de sa méditation. Il se retourna et s'avança vers Madame de Verté, qui venait derrière lui en tenant un journal et quelques lettres. Charlotte remit avec une expression d'inquiétude ses divers papiers à son mari. Une large enveloppe, fermée par un cachet rouge, attira tout de suite les regards du marquis. Il ouvrit cette lettre la première, et réprimant un mouvement involontaire qui ne put échapper à Madame de Verté, il la lut deux fois avant de s'exprimer sur son contenu. Charlotte regardait son mari avec une anxiété interrogative. « Je crois vous connaître assez, dit enfin le marquis, pour être sûr que vous apprendrez sans faiblesse ce dont il s'agit. Ma chère Charlotte, continua-t-il avec un triste sourire, ma place n'était plus ici. Je m'y oubliais, comme Renaud dans les jardins d'Armide. Cette lettre, c'est le bouclier du Bald. » Madame de Verté saisit le bras de son mari avec un mouvement d'effroi. « Monsieur le prince de Condé, à la maison duquel mon père a été attaché, daigne se souvenir de moi. Il fait un appel à tous les hommes dévoués à la royauté, et c'est par son ordre que cette lettre m'est envoyée. » Henri tendit la dépêche à Charlotte. Madame de Verté prit la lettre et essaya de la parcourir, mais elle était trop troublée pour le pouvoir. « Il ne s'agit sans doute que d'une courte séparation, reprit le marquis, cherchant à inspirer à Charlotte une illusion commune à bien des émigrés, mais que lui-même ne partageait point. Une armée comme celle qui se forme saura promptement mettre fin aux troubles. « Et quand pensez-vous partir ? » demanda Madame de Verté. « Mais demain ?» répondit le marquis en détournant la tête pour ne pas voir la douleur de sa femme. Charlotte, du reste, avait une âme forte. Elle avait été élevée dans de telles idées de dévouement au roi, de respect pour le devoir, qu'elle n'essaya point de détourner Henri de ses projets. Elle eut le courage de refouler dans son cœur ses craintes, ses regrets, ses larmes, et se répétant le vieil adage « Fais ce que doit, advienne que pourra », elle aida elle-même M. de Verté dans tous ses préparatifs de départ. Il fut décidé que Henri passerait par Bourg, gagnerait Genève, et de là se rendrait en Allemagne. À cette époque, la Révolution, malgré elle, favorisait l'émigration. Les lois nouvelles laissant à chacun la liberté de parcourir la France sans passeport, d'en sortir et d'y rentrer, c'était une continuelle allée et venue de Paris au Rhin. Ce mouvement incessant, il faut toujours que chez nous la futilité se mêle aux plus grands événements, ces perpétuels départs et retours donnèrent lieu à un jouet qui fut aussi à la mode que les bilboquets du temps d'Henri III, un jouet qui a survécu aux circonstances dont j'ai parlé et qui, sous le nom d'émigrants, est encore connu des enfants d'aujourd'hui. Cette petite digression n'était peut-être pas inutile pour expliquer comment le marquis, suivi d'un domestique dévoué et emportant avec lui tout l'argent qu'il avait pu réaliser, arriva sans difficulté à Genève. Quelques secondes après, il était à Ettenheim, près du prince de Condé. Ce n'est pas dans un récit du champ de celui-ci que l'on peut discuter l'opportunité de l'émigration armée, entamer sur ce sujet une polémique avec d'autres partis chez lesquels des faits du même genre se sont du reste produits plusieurs fois. Ne nous occupons donc point du côté historique de la question et admirons seulement le dévouement, la valeur de cette poignée d'hommes qui se ralliait autour de trois générations de Condé, qui formaient sous l'ancien drapeau de la France une armée de l'aspect le plus pittoresque. Près des Condé ne dominait pas comme à Koblenz, comme dans le corps que l'on appelait l'armée des princes, cette jeunesse de cour pour laquelle l'émigration était une mode plutôt qu'un devoir. Les gentilshommes de province, ces braves gens qui, après avoir porté les armes toute leur vie, arrivaient au grade de capitaine, qui, de retour dans leur castel, se trouvaient grandement récompensés par la croix de Saint-Louis, voilà ce qui formait le noyau de combattants réunis aux environs d'Ettenheim. La bourgeoisie, comme l'on disait alors, avait là aussi de nombreux représentants, et ces derniers vivaient avec les gentilshommes sur un pied de parfaite égalité. Leurs épées bien affilées et lestement maniées auraient parfaitement su châtier des airs d'arrogance aristocratique. Là, plus d'un ex-conseiller au Parlement portait le fusil de volontaire. Plus d'un vieil officier avait retrouvé l'énergie de ses 20 ans en devenant soldat. On avait abandonné sa fortune, quitté ses parents, ses amis, on couchait sur la paille, et l'on stupéfiait les petits princes allemands par une gaieté, une verve et quelquefois une impertinence toute française. On parlait philosophie et littérature, on admirait M. de Voltaire et le citoyen de Genève, contre lesquels on avait bien un peu les armes à la main. On écoutait les vieux généraux se remémorant les joyeuses aventures du règne de Louis XV. On chantait les chansons des soldats de Fontenoy et de Lohfeld. On jouait tout ce qu'on avait à jouer, quelquefois à la clarté des verres luisants, faute d'autres luminaires. On faisait la cour aux jolies filles des villes, aux robustes paysannes de la forêt noire. On se battait pour elles au besoin, tout comme on l'eût fait pour des marquises ou des duchesses. On mourait aussi chrétiennement que des croisés. C'était la fin de l'ancienne France, et en considérant cette armée si singulièrement composée, d'une physionomie si originale, si vive, on serait tenté de dire avec le marquis de Maugis, un peu de seigneurie y palpitait encore. Quoique les luttes de l'armée de Condé soient trop peu connues, perdues qu'elles sont dans toutes les grandes guerres de la fin du dernier siècle, il ne peut non plus entrer dans mes projets d'en esquisser ici l'héroïque histoire. Je dirais seulement que le marquis de Verté, admis dans le corps des chevaliers de la couronne, assista malheureusement aux affaires de Wissembourg, de Bertheim, à tous ces combats sans résultat mais non sans gloire, où le malheur des temps mettait en présence des hommes parlant la même langue, d'anciens amis, quelquefois des frères. 2 années se passèrent ainsi, 2 longues années, durant lesquelles M. de Verté n'eut qu'à de rares intervalles des nouvelles de sa femme. Le temps, loin de calmer les regrets de Henri, les rendait au contraire plus navrants. Souvent il avait songé à rentrer en France au péril de sa vie, à revoir Charlotte, ne fût-ce que quelques heures. Une circonstance lui permit de réaliser honorablement ce désir. Lyon préparait une énergique résistance. Le prince de Condé avait un messager à faire parvenir à M. de Virien, qui joua un si grand rôle dans la défense de cette ville. Il rassembla plusieurs émigrés originaires des environs de Lyon et leur exposa ce dont il s'agissait. Henri, qui assistait à cette réunion, demanda avec instance de se charger de la dépêche. Le prince la lui confia. M. de Verté partit pour la France. Cette fois, son voyage était rempli de dangers. Les lois les plus sévères frappaient les émigrés, quiconque était reconnu était mort. Henri traversa la Suisse, et vêtu d'habits de paysan, franchit les montagnes du Jura. Connaissant le pays qu'il avait à parcourir, il arriva sans encombre à Mâcon. Là, il éprouva une violente tentation, ce fut de se diriger vers Villefranche. Mais serait-il aussi heureux qu'il avait été jusqu'alors? Échapperait-il à tous les périls qui le menaçaient? Et s'il n'en était point ainsi, que deviendrait le message du prince de Condé? Henri triompha de ses désirs, de son amour, et se rendit à Lyon, où il put remettre à M. de Vérien la dépêche dont il s'était chargé. Après une nuit de repos que tant de fatigue rendait bien nécessaire, toujours couvert des humbles vêtements qu'il avait si bien déguisés, M. de Verté se remit en route à pied, et une marche de quelques heures le conduisit devant le petit château que tant de fois il avait revu dans ses rêves de proscrit. C'est là, sans doute, que l'attendaient les plus grands dangers. 2 années d'absence, les habits qu'il portait le changeraient peut-être assez pour qu'il ne fût pas reconnu par des indifférents. Mais Charlotte saurait-elle maîtriser son émotion, sa joie? Le bonheur ne la trahirait-elle pas? Ces appréhensions ne firent du reste que traverser l'esprit d'Henri. L'amour lui donnait une confiance, une force singulière. Il s'approcha résolument de son manoir, qui était isolé au bord de la Saône, et trouvant ouverte la porte d'un verger attenant à la terrasse dont j'ai déjà parlé, il entra. Il était midi, heure de repos à la campagne. Personne ne se trouvait dans le verger ni sur la terrasse. Henri s'avança vers une porte vitrée communiquant à une sorte de vestibule où Charlotte aimait à se tenir. Près de cette porte, une femme était assise. Au bruit des pas, elle leva la tête. C'était la marquise. Son émotion fut telle qu'elle se renversa sur sa chaise sans pouvoir proférer un cri. Henri, un doigt sur les lèvres, franchit les marches qui séparaient le vestibule du jardin et se jeta dans les bras de sa femme. Après une inexprimable explosion de joie, revinrent les inquiétudes. Monsieur de Verté n'avait du reste rien à craindre des domestiques, qui étaient peu nombreux et tout dévoués. L'isolement de l'habitation, la vie retirée que menait Charlotte, pouvait aussi y rassurer. Il fut du reste convenu que pour plus de sûreté, Henri conserverait les vêtements sous lesquels il était arrivé et qu'il ne sortirait pas du château. Quelques jours se passaient rapidement, et Madame de Verté redoutait à la fois et désirait le moment où son mari allait la quitter, car elle frémissait en songeant à tous les dangers qu'Henri courait auprès d'elle. Un matin, tous deux étaient dans le parterre qui dominait la Saône. Ils s'étaient assis sur un banc où jusqu'alors, par prudence, Charlotte avait interdit à Henri de prendre place. Ce banc pouvait être aperçu d'un chemin qui, à une assez petite distance de la terrasse, longeait les bords de la rivière. Il leur semblait que les 2 années d'absence qui venaient de s'écouler n'étaient qu'un mauvais songe. Ils se retrouvaient, comme à la veille du jour cruel où le marquis avait quitté son château. Le ciel, un beau ciel de septembre, était éclatant, et l'air tout imprégné d'un doux parfum de fleurs et de fruits. C'était pour monsieur et pour madame de Verté un de ces moments si rares dans la vie où les regrets du passé s'effacent comme les craintes de l'avenir et laissent un pur sentiment de joie occuper l'instant présent. Tout à coup, la marquise, qui venait de jeter un regard en dehors de la terrasse, saisit en pâlissant la main de son mari. Henri tourna ses regards dans la direction qu'avaient suivi les yeux de sa femme. Un homme arrêté sur le chemin paraissait les considérer attentivement. En voyant qu'il était remarqué, cet homme poursuivit sa route d'un air indifférent. « Quel malheur, quelle imprudence !» s'écria Charlotte. « On vous a vu, c'est sans doute un espion qui nous examinait ainsi. »« Calmez-vous, » répondit M. de Verté. « Cet homme n'est probablement qu'un pauvre voyageur fatigué par la chaleur du jour. Il reprenait haleine. Il regardait peut-être avec envie ce banc, cette bonne ombre et cette gracieuse femme assise à mon côté. Tout ce petit tableau de bonheur que tant de fois je me suis représenté le cœur plein de navrants regrets. « Henri, » dit avec terreur la marquise, « si vous y alliez être découvert, c'est affreux. Mais il faut que vous partiez le plus promptement possible. Hélas, la joie se paye, et j'ai été trop heureuse depuis quelques jours. Il faut que vous partiez demain, ce soir même. « Non, non, » reprit Henri, « on ne quitte pas ainsi le bonheur. Je rachèterai avec ma vie ces quelques instants passés près de vous que je ne me plaindrai pas. Vous ne savez pas ce que c'est que l'existence de l'exilé quand il laisse une femme bien aimée dans sa patrie. Retrouverai-je jamais cette félicité dont j'ai joui depuis mon retour ici? Saisissons avec avidité ces moments qui peut-être ne reviendront jamais. En Allemagne, tandis que les républicains chantaient la Marseillaise, tandis que nous, nous répétions les vieilles chansons de nos pères, les Allemands entonnaient une ronde dont j'aime le refrain. Réjouissez-vous de la vie pendant que la lampe brûle encore, cueillez la rose avant qu'elle soit fanée. Et chantant dans leur langue les paroles qu'ils venaient de traduire, paroles mises sur un air simple et plein d'une mélancolique douceur, Henri, entourant la marquise de son bras, l'entraîna avec lui au château. Les appréhensions de Madame de Verté n'étaient cependant pas sans fondement. Un soir, depuis une heure environ, Henri et sa femme s'étaient retirés quand tout à coup le vieux chien de garde hurla avec fureur. Un instant après, la grille de la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Un bruit insolite d'armes, de pas, de voix retentit dans la cour. Charlotte se précipita à l'une des croisées de sa chambre, dont elle tira le rideau avec un mouvement brusque et nerveux. Immobile d'épouvante, elle demeura un instant comme une statue, les yeux fixés sur la cour. Les gendarmes, les soldats la remplissaient, quelques domestiques éperdus allaient et venaient. Henri comprit ce qui se passait. Il revêtit une partie de ses habits, sauta sur une épée et s'élança vers la porte de la chambre. Il était trop tard pour fuir. On occupait le corridor. Charlotte courut à la porte et la ferma à clé. Aussitôt, on essaya d'ouvrir au dehors. Puis, deux ou trois coups de crosse de fusil ébranlèrent les frêles planches qui séparaient le marquis de ceux qui le cherchaient. « Ouvrez, au nom de la nation, ouvrez !» cria une voix forte. « Perdu !» se dit Henri. « Sauvé, sauvé peut-être !» répondit Charlotte. Et résolument, elle ouvrit. Un lieutenant de gendarmerie se précipita, le sabre en main dans la chambre. Il était suivi de quelques-uns de ses hommes. Alors seulement Madame de Verté s'aperçut qu'elle était à peine vêtue. Elle enveloppa ses épaules et ses bras d'un long châle et se montra à la fois si belle et si imposante que l'officier s'arrêta presque avec respect. « Si devant marquis de Verté, dit-il à Henri, tu es mon prisonnier et tu vas me suivre. »« Il n'y a pas ici de marquis de Verté, s'écria Charlotte. Il n'y a que Jean Cherpillot que voilà. » Il désigna son mari de la main. « Jean Cherpillot ? » répéta avec étonnement le lieutenant. « Et qu'est-ce que ce Jean Cherpillot, mon domestique ?»« Et mieux que cela, à encore le lieu et l'heure où nous le trouvons avec la citoyenne, » ajouta le gendarme. Henri fit un mouvement comme s'il eût voulu parler. Madame de la Verté l'arrêta d'un regard suppliant. Ni ce mouvement, ni ce regard ne furent aperçus, et Charlotte reprit avec un air de vérité tel que le lieutenant n'écouta pas ses paroles sans une sorte de confiance. « Jean Cherpillot est le fils d'un fermier de mon mari. Ce dernier est émigré depuis 2 ans, et il y a très longtemps que je n'ai eu de ses nouvelles. Quant à cet homme, je le répète, c'est Jean Cherpillot. Il n'a que le défaut de ressembler un peu trop au ci-devant marquis. Je ne le nie pas. Entre Jean et M. de Verté, il existe une ressemblance singulière. Et cette ressemblance n'a peut-être pas été étrangère à la faute que j'ai commise. Je ne me rendrai pas plus coupable en abandonnant l'homme que j'aime. Je ne le sacrifierai pas au soin de conserver ma réputation. Ce n'est pas là mon mari, c'est mon amant. Qu'on nous emprisonne, qu'on nous conduise devant des juges, je suis sans crainte, la vérité se fera jour. » Le ton de sincérité qu'avait su prendre Charlotte fit sur les gendarmes une impression qui se manifesta par de brutales plaisanteries. Madame de Verté entendit ces outrages avec joie. « Es-tu bien le nommé Jean Cherpillot ?» demanda le lieutenant à Henri. « Oui, » répondit celui-ci que ce nom avait mis au fait des projets de sa femme, et qui, sous le regard de Madame de Verté, n'osait dire la vérité. « Natif ? De la Saussaie. Qu'est-ce que la Saussaie ? Une ferme. Située ?» À une lieue de Bourg. Depuis quand es-tu ici ? Depuis 8 jours, répondit Charlotte. Il faisait partie de l'armée de Sambre et Meuse. Malade, il a obtenu un congé. Si devant marquis de Verté ou citoyen Cherpillot, tu vas nous accompagner. C'est désagréable d'aller coucher en prison quand on avait un si bon gîte. Enfin, c'est comme cela. Allons, en marche. Sur un geste de l'officier, les gendarmes entourèrent Henri. Et moi ? S'écria Madame de Verté. Toi, citoyenne, nous n'avons pas ordre de t'arrêter. Henri disparut, emmené par les hommes de son escorte. Alors seulement, Charlotte ressentit la faiblesse de la femme. Un instant, sa tête s'égare. Il lui semblait que tout était fini, qu'elle ne reverrait plus Henri, qu'elle le menait au supplice. Elle fondit en larmes. Peu à peu, une espèce de calme lui revint. Elle tomba à genoux et pria avec ferveur. Quand le jour parut, elle s'habilla, passa une bague ornée d'un diamant à l'un de ses doigts et prit, dans une mauvaise charrette, la route de Villefranche. L'un des patriotes les plus exaltés et les plus importants de cette ville était un ancien orfèvre. Il s'appelait, avant la Révolution, Louis Gassot. Depuis l'avènement de la République, il n'avait plus voulu, comme de raison, porter un prénom qui lui était commun avec le tyran. Il avait remplacé le nom de Louis par celui de Régulus. Champfort a dit que les gens faibles servent d'avant-garde à l'armée des méchants. Gassot eût été digne de commander cette avant-garde. L'orgueil avait d'abord jeté Régulus dans le Parti démocratique. La peur l'y avait retenu. Par peur, il était devenu cruel. Il fallait tuer ou être tué. et la première de ces alternatives avait paru à Gassot bien préférable à la seconde. Une fois lancé, il ne pouvait plus s'arrêter sans se compromettre, sans se faire accuser de modérantisme, et il trouvait tout le monde suspect dans la crainte de le devenir lui-même. Il avait fondé à Villefranche un club de jacobins, était devenu président du tribunal révolutionnaire, avait composé sur l'air, ô ma tendre Musette, une complainte au sujet de la mort de Marat, et sa femme s'était montrée habillée, ou plutôt déshabillée, en déesse de la raison. Ce fut vers la demeure de cet homme, qu'elle avait connu dans d'autres temps, que Charlotte se dirigea. Un sans-culotte en sabots, coiffé du bonnet phrygien, portant ses vestes à manches retroussées que l'on appelait carmagnole, et tenant une longue pique rouillée, faisait faction dans la maison de Régulus en fredonnant ses paroles. Le roi de Prusse avait promis qu'il viendrait tout droit à Paris. « Oh, le fichu chemin, il passe par Berlin !»« Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon !» Madame de Verté demanda à cette étrange sentinelle si elle pouvait parler au citoyen Régulus. Le factionnaire jeta un regard farouche sur Charlotte, dont le costume bien simple était cependant porté de manière à révéler une aristocrate. Puis, après un moment de dédaigneux examen, il lui répondit affirmativement, et Madame de Verté pénétra dans une sorte de vestibule. En face d'elle, une porte tapissée d'une étoffe verte et portant sur un sale carton ces mots « Ici l'on se tutoie, fermez la porte, SVP » lui indiqua la pièce où elle allait trouver Louis Gassot. Elle entra. Le président du tribunal, assis devant un bureau, tourna la tête vers elle en prenant son air le plus impérieux. Charlotte ne se troubla nullement, et avança encore de quelques pas avec autant d'aisance que si elle eût été dans un salon. « Que veux-tu ? » demanda Gassot, un peu intimidé de cet aplomb. « Mais je crois te reconnaître. N'es-tu pas la citoyenne Verté ? Ah, je vois ce qui t'amène. Hier, n'est-ce pas, on a arrêté chez toi un homme que tu as prétendu être ton officieux, puis ton amant, et que nous avons tout lieu de croire le ci-devant marquis de Verté, émigré, traître à sa patrie, et comme tel méritant la mort. « Lors du jugement, répondit Charlotte avec calme, on verra que j'ai dit la vérité. Jusqu'à ce que ce jugement ait lieu, je désirais partager la captivité de Jean Cherpillot. » En prononçant ces mots, Madame de Verté fit un geste qui mit en évidence le diamant dont son doigt était orné. Les yeux de Régulus se dirigèrent sur la bague. « Jean Cherpillot, Jean Cherpillot, » dit Gassot, « comment diable veux-tu, citoyenne, que nous croyons une pareille histoire ?»« Ah oui !» C'est bien une femme entichée de toutes les vanités de l'ancien régime, une ex-marquise qui s'en irait prendre pour amant un enfant du peuple. Et ce prétendu cher Pio, comment aurait-il avec ton mari une si grande ressemblance à d'autres, à d'autres ? En parlant ainsi, Régulus, dont le regard suivait toujours le joli doigt de Charlotte, n'avait point l'air trop méchant. Les alchimistes prétendaient que le diamant était infaillible contre les enchantements. Il paraît qu'il a encore d'autres propriétés. Cette ressemblance, répondit Charlotte, je peux vous l'expliquer. Te l'expliquer. N'as-tu pas lu à l'entrée de mon bureau qu'ici on se tutoie ? Oui, mais au-dessous de cet avertissement, j'ai lu « Fermez la porte, s'il vous plaît », ce qui m'a fait penser que le tutoiement n'était pas de rigueur. Le diamant jeta un si vif éclat que l'ancien orfèvre ne fit pas attention à la remarque impertinente de Madame de Verté. Le père de mon mari, continua Charlotte, avait un frère cadet. Ce frère, il faut le dire, page de Louis XV, élevé dans une cour dissolue, n'avait pas une idée bien juste de la pureté des mœurs des champs. Il était aimable, généreux, beau. Il avait paru tel à beaucoup de grandes dames. Une fermière, la femme de Claude Cherpillot, ne fut pas plus insensible que ces dernières. « Cet affreux noble, dit Régulus, fait revivre les plus odieux abus de la féodalité. » Comprenez-vous maintenant, reprit Charlotte, qu'il puisse exister une certaine ressemblance entre M. de Verté et Cherpillot, ressemblance qui d'ailleurs paraîtrait bien moins grande si on les voyait tous deux l'un à côté de l'autre. Une partie de ce que Charlotte venait de dire était la vérité. Il est réellement un Jean Cherpillot, alors à l'armée de Sambre et Meuse, fils d'un fermier du marquis, et au fond avec ce dernier, des airs de famille à propos desquels les mauvaises langues avaient amplement trouvé matière à s'exercer. Au moment même de l'arrestation de son mari, Madame de Verté comprit que cette ressemblance présentait peut-être une chance de salut, et le nom de Cherpillot mit Henri au courant des intentions de sa femme. « Tu as là un beau diamant, » dit Gassot, qui était complètement magnétisé par la vague. Une bonne républicaine ne porterait pas de tels bijoux quand la patrie est si pauvre. Aussi, citoyen président, Cette bague, je voulais en faire offrande à la patrie et vous la remettre à cet effet. » Et joignant le geste à la parole, Madame de Verté ôta son anneau et le présenta gracieusement à Régulus. Celui-ci le prit, le retourna, le fit étinceler au soleil et le passa à son petit doigt avec une visible satisfaction. « Ceci est un trait civique, » s'écria-t-il, « et tout ce que tu m'as dit contribue à me donner de toi une opinion assez favorable. Pour une ci-devant, c'est fouler aux pieds l'orgueil nobiliaire que d'avouer qu'on aime un domestique. C'est bien, c'est renoncer à de pitoyables préjugés. C'est montrer qu'on n'est pas ennemi de l'égalité. C'est tellement au-dessus de ce que font tes semblables que ce n'est guère croyable. » Charlotte baissa les yeux et joua la confusion. Cette ressemblance, dit-elle, que l'on a remarquée entre M. de Verté et Cherpio, cette ressemblance, voilà la cause de ma chute. J'aimais M. de Verté, je crus le revoir. Ne t'excuse pas d'une chose honorable, répondit Régulus. Il est beau d'écouter ses penchants, beau de suivre les mouvements de son cœur, beau d'obéir à la grande loi de la nature, beau de lui immoler, à cette loi imprescriptible, les préjugés de l'orgueil, la tyrannie surannée que, sous le régime esclave, on appelait du nom de devoir. Tu t'es conduite en républicaine, en citoyenne, en femme. En admettant toutefois que tu ne cherches pas ici à m'abuser par une imposture qui serait punie avec éclat, en admettant que l'homme arrêté chez toi soit bien Cherpio, pourquoi ne l'avouerais-je pas? Tu m'inspires de la confiance, et je te le prouve en te permettant non pas de partager la captivité de celui que tu dis être ton amant, mais en te permettant de l'aller visiter. Madame de Verté profita de cette permission, et quoique son entretien avec Henri eut lieu devant des témoins, elle sut habilement lui indiquer quelles devaient être ses réponses et quelle conduite il aurait à tenir. La plus grande difficulté que devait rencontrer la marquise était, elle le voyait bien, de faire accepter par son mari un dévouement qui semblait entacher son nom de déshonneur. Elle réussit pourtant à convaincre M. de Verté que le généreux mensonge inventé par elle ne pourrait avoir une longue durée. À cette époque, les procédures marchaient avec une rapidité extrême. On avait trop de monde à juger pour avoir le temps de s'occuper d'enquêtes et d'auditions de témoins. D'ailleurs, il suffisait à peu près d'être suspect pour être condamné. Cela simplifiait les choses et l'on prononçait la sentence plus vite encore que le Minos placé par Dante à l'entrée de son enfer. On envoyait quelquefois le prévenu à la mort avec une facétie sauvage. Ainsi un vieillard que sa surdité empêchait de rien entendre fut convaincu d'avoir conspiré sourdement contre la République. Il n'y avait, on le voit, point de longues angoisses pour l'accusé. Il était tout de suite livré à l'échafaud ou déclaré innocent. Ce dernier dénouement était rare, il faut bien le dire, mais pourtant il arrivait quelquefois. En moins d'une heure, le sort du marquis de Verté fut décidé. Il prétendit se nommer Jean Cherpio, avoir fait partie de l'armée de Sambre et Meuse, obtenu son congé pour cause de maladie, perdu ses papiers, et s'être engagé au service de Madame de Verté. On ne chercha pas autrement à se convaincre de l'identité de l'inculpé, à faire citer les parents, les amis de Cherpio. Un avocat trouva dans la ressemblance de M. de Verté et de Cherpio le motif de vive récrimination contre les mœurs dépravées de l'ancien régime. Il fit sur la passion de Charlotte pour son officieux le thème d'une de ces tirades pleines de sensibilité niaise, si à la mode dans ce temps-là, et digne de faire suite à la saratée de Saint-Lambert. Une apostrophe à l'amour et à l'égalité servit de péroraison à la harangue. Entraînés par ce discours et aussi par l'attitude peu hostile de leur président, les juges déclarèrent qu'Henri était bien Jean Cherpio, et comme tel, il fut rendu à la liberté. Plusieurs patriotes de Villefranche s'indignèrent de ce résultat. Ils montrèrent une si violente irritation que l'on recommença le procès, et cette fois, Henri fut condamné à mort par contumace. Prévenu à temps du danger qu'il menaçait, le marquis s'était enfui à Lyon, où il fit partie de la compagnie de Jéhu, association vengeresse, qui quelquefois se livra à de trop sanglantes représailles. M. de Verté réussit ensuite à rejoindre l'armée de Condé. Puis, au licenciement de cette armée, il vint habiter la Suisse, où sa femme avait trouvé un asile. Tous deux rentrèrent en France en 1802. Ce récit a le grand défaut de ne pas offrir la péripétie nécessaire à toute nouvelle un peu bien menée. C'est que ce récit n'est nullement une fiction, et telle est la meilleure excuse de l'invraisemblance qu'on y a pu remarquer. Oui, j'ai raconté une histoire très vraie, où je ne me suis guère permis que de changer quelques noms de personnes et de lieux. Dans mon enfance, J'ai vu souvent le personnage que j'ai appelé Monsieur de Verté. C'était un vieillard de haute taille, sec, bourru, jouant, disait-on, admirablement le whist et très mauvais joueur. Il aimait à montrer sa condamnation à mort, qu'il avait achetée dans les rues de Lyon. Vers la fin de la Restauration, il eut encore un rôle, rôle de père noble, cette fois, dans un épisode romanesque que je raconterai un jour. Ainsi s'achève L'amant de la marquise par Alexandre, comte de Puymaigre.